Et c'est le moment de la semaine où Raymond Poirier est avec nous pour parler technologie d'information puisqu'il est chargé de communication à Laetis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette semaine, eh bien encore une conférence à venir. Exactement, enfin un colloque, une journée à laquelle on va se consacrer à explorer un peu l'univers des transports, donc transports électrifiés, interconnectés, intelligents. Donc voir un peu de quelle manière s'articuleront les transports de demain dans un horizon court terme, dans un horizon moyen terme, voire un peu plus long terme. Et justement, pour nous aider peut-être un peu à mettre la table aussi, profiter de cette excuse pour explorer cette riche thématique, eh bien, j'ai convié l'un des conférenciers du colloque à nous rejoindre ce soir. Il s'agit du professeur Christian Gagné du département de génie électrique de l'Université Laval. Monsieur Gagné, bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine, en fait, de manière générale, on est à une époque où, au niveau des transports, il y a des changements qui se font tranquillement, progressivement, au niveau autant de nos habitudes et autant qu'au niveau de nos possibilités, si on peut dire. Ah oui, il y a vraiment des changements à venir, je vous dirais. Des changements qu'on voit en tant que tels, c'est l'émergence des véhicules hybrides d'abord, mais électriques maintenant. Donc, on a vu l'émergence de la Prius, qui est devenue un véhicule phare en tant que tel, à faible consommation d'essence, qui date de 1998, mais qui est vraiment le véhicule hybride par excellence. Mais là, on voit aussi les véhicules purement électriques, comme la Nissan Leaf, la Chevrolet Volt. Donc, on voit vraiment qu'il y a une tendance forte vers des véhicules qui fonctionnent avec l'électricité au lieu de fonctionner avec de l'essence. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui se trament en fond, qui sont plus fondamentales, plus que des chances de révolutionner ou changer complètement la façon de nous déplacer. On pense d'abord aux véhicules autonomes, véhicules robotisés. L'exemple de ça, c'est Google qui a vraiment développé un véhicule qui se déplace de façon autonome sans devoir le conduire. Ils font beaucoup d'essais actuellement dans la région de San Francisco. Il y a quelqu'un derrière le volant au cas où que le véhicule ne fasse pas ce qu'il doit faire. Mais l'idée est mise de l'avant que les véhicules vont devenir éventuellement autonomes. On va avoir des véhicules sans aucun volant. BMW, Mercedes, Volvo poussent beaucoup dans cette direction-là. Ils disent qu'en 2030, ils devraient être en mesure de commercialiser des véhicules totalement autonomes. Et j'imagine que pour arriver justement à des développements, que ce soit au niveau de l'électrification ou de la robotisation, la clé reste la technologie d'une certaine façon. Si on se penche, Christian Gagné, au niveau de l'électrification, un exemple, si on regarde le stockage, la recharge des véhicules, c'est un peu développer ça, ça devient un peu la clé pour le développement et la mise en marché plus avant de ce type de véhicule-là. Lorsqu'on parle d'électrification des véhicules, oui, si on pense souvent, l'électrification des véhicules, ça implique d'avoir un moteur électrique. Ça, c'est facile. Ça, même les premiers véhicules au 19e siècle étaient électriques à la base. Et après ça, ils sont devenus à essence. Ce qui est plus difficile, c'est vraiment le stockage de l'énergie dans les batteries. Et donc ça coûte extrêmement cher. Le véhicule électrique, actuellement, la moitié du prix est consacrée aux batteries, tout simplement. Le reste, c'est pour le reste du véhicule. Donc, cependant, les technologies de batterie s'améliorent à vitesse grand V. Il y a vraiment des progrès très intéressants en termes de batterie. L'autre aspect qui est relié à ça aussi, c'est de quelle façon on charge ces véhicules-là, de quelle façon on va amener l'énergie dans la batterie. Puis ça peut paraître simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et comme vous le dites, dans le fond, ça évolue très, très rapidement, ce domaine-là. Donc, c'est pas des changements qui se font sur le long terme. Là. Quand on parle de batterie, de recharge, on parle d'années. Là. Oui, effectivement, les batteries, là, il y a des progrès, là. Il y a une projection comme quoi, d'ici peut-être 5-7 ans, les batteries vont être deux fois plus efficaces à un coût deux fois plus bas. Donc, ça va vraiment avoir des améliorations substantielles et c'est nécessaire pour faire en sorte que ces véhicules-là soient abordables. Parce qu'actuellement, c'est quand même beaucoup plus cher qu'un véhicule à essence. C'est sûr qu'on paie le gros prix à l'achat, puis ensuite, on sauve beaucoup parce qu'on n'a pas besoin de mettre de l'essence dans notre véhicule. L'électricité est beaucoup plus abordable. Mais quand même, ça en freine plusieurs d'adopter un véhicule électrique, en partie à cause du prix. Donc ça devrait éventuellement se placer. On devrait avoir une maturation de la technologie qui fait en sorte que dans 5-10 ans d'ici, les véhicules électriques vont coûter le même prix qu'un véhicule à essence, en plus de coûter beaucoup moins cher à l'utilisation ensuite. Mais on parle, entre autres, des batteries. On sait que ça peut être un agent polluant. Bon, je ne sais pas si ça se compare quand même avec les émissions de gaz à effet de serre de véhicules qui marchent à l'essence, mais est-ce que ça peut devenir aussi un problème, ça, à long terme, l'entreposage, finalement, ou les déchets créés par les batteries des véhicules qui ne serviront plus? Oui, bien, les batteries, c'est de la chimie complexe, c'est des produits qui peuvent être très polluants. La question qu'on doit se poser, bien, ça pollue beaucoup à la fabrication et ça va polluer beaucoup aussi lorsqu'on va devoir en disposer, lorsqu'on va devoir se débarrasser de ces batteries-là. Donc, ils vont probablement avoir une façon de recycler en évitant de déverser des matières toxiques dans l'environnement. C'est ce qui devrait être fait parce que c'est quand même une toxicité assez élevée. C'est sûr qu'en termes de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est pas sans émissions de gaz à effet de serre. Puis, je dirais, le facteur principal, c'est pas tant les batteries, c'est aussi la question de quelle façon on va produire l'énergie électrique pour ces véhicules-là. Au Québec, c'est parfait. On a l'hydroélectricité, c'est une énergie qui est renouvelable, qui est verte, qui est pratiquement sans émissions de gaz à effet de serre. Mais lorsqu'on parle, entre autres, de la Chine, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, eux, ils produisent l'électricité essentiellement à partir du charbon. Et il s'avère qu'un véhicule électrique produit plus de gaz à effet de serre que VUS à essence, là-bas. Parce que l'électricité est produite par du charbon qui est extrêmement polluant. Donc, c'est pas du tout intéressant là-bas en termes au niveau environnemental. Non. Et il y a l'impact environnemental sur la manière de produire l'électricité. Et j'imagine qu'il y a aussi les possibilités qui sont liées aux infrastructures électriques qui sont présentes, ne serait-ce qu'ici au Québec. Si on commence à électrifier de manière large nos transports, ben, faut aussi être en mesure de mieux transporter, j'imagine, notre électricité. Oui. Le problème, par exemple, au Québec, on n'a pas de problème de production. On produit énormément d'énergie, on l'exporte. Donc ça, ça va. On est capable de supporter peut-être un parc automobile important avec... On parle de 10-15% des véhicules qui seraient électriques. Je pense qu'on n'a pas vraiment de problème au Québec à le supporter en termes de production. Le problème, c'est quand qu'on les charge. Parce que si on les charge de façon désordonnée, dans le sens que les gens arrivent à la maison, connectent ça sur leur prise de courant, puis dans leur borne dans la maison, ce qui va arriver, c'est qu'on va accentuer le pic de demande. Le pic de demande, c'est au Québec, c'est essentiellement le matin et le soir. Et donc, si on accentue le pic de demande, là, on va surcharger l'infrastructure de distribution qui, elle, est quand même relativement limitée. Ne pourrait pas supporter une surcharge importante, surtout si on pense que, surtout le soir, on revient du travail, on arrive à la maison, on connecte son véhicule, ça rajoute une charge supplémentaire qui va être significative sur tout ce qu'on a comme charge actuellement, ce qui est de faire le souper, de le soir, en tant que tel, il n'y a plus d'activité dans la maison, en tant que tel, ce qui fait que la demande est quand même assez élevée. Et ça... ça serait très difficile à gérer pour une entreprise comme Hydro-Québec de devoir supporter ce pic-là. Cependant, le véhicule il est branché le soir, mais généralement, on ne l'utilise pas dans la soirée. Ce qu'on veut, nous, c'est que le lendemain matin, la batterie soit chargée. Donc, si on ferait une recharge plus intelligente, ça impliquerait peut-être une recharge qui attendrait avant de débuter, qui laisserait le pic de la soirée passer pour charger les véhicules durant la nuit, où là, la demande est quand même faible. Donc, on éviterait en tant que tel les pics de demande qui sont... significatifs qui peuvent causer des problèmes au réseau électrique. Donc ça, c'est une question qui m'intéresse en tant que telle, de quelle façon on peut faire une recharge intelligente afin d'éviter ces pics-là tout en ayant un impact minimal sur l'infrastructure. Oui, puis en même temps, j'imagine que tout ça appelle aussi un changement de culture, donc soit dans le chargement puis dans la gestion électrique, donc moins y aller à la demande, mais plus essayer de mieux planifier globalement le fonctionnement. Et en parallèle, ben, de revoir aussi notre utilisation de l'automobile, par exemple, ou des transports en général. Donc si je vais au travail, par exemple, le matin, ben j'ai pas besoin de mon auto non plus pendant 8 heures pendant la journée. Peut-être qu'elle peut servir à autre chose, que ce soit des gens ou à de l'énergie. Ah oui, tout à fait. A priori, on peut penser que le véhicule, en tant que tel, lorsqu'il est connecté sur le réseau, c'est un dispositif de stockage d'énergie. Donc, si dans la journée, on a une demande qui est plus élevée, ou à certains moments, on a une demande plus élevée, on peut penser inverser le flux électrique. On peut penser que le véhicule va supporter temporairement le réseau, si ça peut aider le réseau, pour pouvoir éviter, en tant que tel, une surcharge. Et donc ça, c'est tout à fait pensable et c'est pas fait en termes de véhicules commercialisés, mais il y a des prototypes, il y a une processus de standardisation qui vise à dire que le véhicule électrique devient à la fois un consommateur d'énergie, mais également un dispositif qui a une capacité de supporter le réseau pendant un certain temps, donc qui accumule de l'énergie et qui peut en redonner au réseau lorsque c'est pertinent. Et ça, c'est des questions qui sont étudiées et c'est démontré que ça pourrait être, dans certaines circonstances, très intéressant. Et à ça, donc, on peut comprendre que l'idée d'électrification viendrait en appui à l'interconnexion dont on parlait tout à l'heure, à la robotisation et inversement et vice-versa. Oui. L'interconnexion, la robotisation, ça peut être très intéressant aussi de dire qu'un véhicule, supposons qu'il y a une autonomie de 150 km, donc après, je ne sais pas moi, 100 km, il faut faire attention par rapport à nos déplacements, donc pas faire des déplacements de plus de 50 km. Mais si on est dans un système où on mutualise les véhicules, où on ne détient pas un véhicule à nous, mais on est abonné à un service, un peu comme Communauto, où là, cependant, les véhicules se déplacent par eux-mêmes parce qu'ils sont robotisés, là, lorsqu'un véhicule a une charge relativement faible, on peut penser qu'on va le ramener à un point de recharge et on va assigner un nouveau véhicule électrique qui, lui, a une meilleure charge. Et donc, tous les problèmes d'autonomie en tant que tel associés au véhicule électrique pourraient être contournés par le fait qu'on a une flotte de véhicules et donc on est capable d'optimiser, de coordonner la charge de ces véhicules-là pour pouvoir offrir des capacités de se déplacer. Aussi, l'autre point, c'est en termes d'optimisation des ressources. Quand on sait que la plupart des gens ont un véhicule qui est utilisé au mieux 2 heures par jour, donc pendant 22 heures, le véhicule est stationné, c'est une ressource qui dort, puis c'est pas efficace d'avoir chaque ménage ait 1 ou 2 véhicules à la maison, alors qu'on sait qu'on les utilise quand même vraiment un pourcentage relativement faible la journée. Donc, si on était capable de mutualiser ça, on ferait en sorte que les véhicules seraient beaucoup plus utilisés, beaucoup plus sollicités, ce qui devient beaucoup plus intéressant, parce que c'est quand même coûteux un véhicule électrique, c'est coûteux en termes de batterie, mais si on peut l'exploiter pleinement, là, ça devient beaucoup plus intéressant, ça pourrait abaisser les coûts pour le ménage en tant que tel, au lieu de payer, je pense que le CA disait que avoir un véhicule, opérer un véhicule, là, si on tient compte de tout, c'est quelque chose comme 7 000 $ par année. Je ne suis pas certain des chiffres, là, mais c'est de mémoire, je vous dis ça. Puis, si on passe à une mutualisation de véhicules intelligents, interconnectés, et électrique, on pourrait penser à baisser significativement les coûts parce qu'on exploiterait mieux les ressources, on exploiterait mieux les dispositifs qui sont les véhicules en tant que tels. Donc, ça devient plus que seulement changer un véhicule pour un autre, là. Ça devient vraiment repenser notre manière de se déplacer. Exactement. Puis c'est ce qu'on met de l'avant, nous, dans le colloque. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il va avoir, il y a un potentiel de changer drastiquement la façon de se déplacer d'ici 25-30 ans. Donc, au lieu d'y aller vers une logique où chacun a son véhicule, on pourrait penser à une logique où vraiment on a plusieurs modes de transport. Donc, on pourrait penser à avoir des véhicules électriques autonomes qui vont chercher les gens dans les banlieues, qui les amènent à des hubs, à des terminus. Et là, les gens vont passer d'un transport qui est agile, dans le sens qu'on peut, sur notre téléphone intelligent, demander à avoir un véhicule qui vient dans les 5 prochaines minutes, qui nous amène un relais, où là, on va embarquer dans un transport plus en commun, de type métrobus, de type tramway, qui va nous amener ailleurs. Donc là, on pourrait non pas avoir 2 systèmes de transport indépendants, à savoir les véhicules individuels et les véhicules de transport en commun avec les autobus, on pourrait avoir vraiment un système qui s'intègre bien, où on a différents modes de transport qui sont interconnectés entre eux. Et donc là, ça serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant. Et là, si on veut augmenter la part de marché, entre guillemets, du transport en commun, c'est la façon de faire, parce que pour beaucoup de gens, c'est pas intéressant de prendre le transport en commun, parce que l'autobus passe est loin de la maison, à une fréquence inintéressante, surtout en dehors des heures usuelles où on va au bureau puis on revient. Donc, ça devient beaucoup plus attrayant d'avoir ce genre de système-là qui va chercher les gens avec des véhicules individuels, qui les amène à un point de rencontre où là, après ça, on peut prendre un transport plus de masse qui est efficace pour ce type de transport-là dans des couloirs désignés. Donc c'est un peu l'idée, dans le fond, de dépasser l'unique électrification et de dire, ben oui, si on électrifie, mais en même temps, il faut repenser globalement aussi nos manières de se déplacer pour profiter de cette occasion-là, pour maximiser l'utilisation de nos ressources, repenser les modèles d'affaires, etc., etc. Oui, c'est tout à fait ça. Puis, parce qu'on est dans un point, vraiment, il y a les trois aspects technologiques qui avancent de front, puis ça s'en vient dans 25 ans, on va être dedans. Donc, nous, à l'Université, on s'est pensé à ça, de dire... Qu'est-ce qui s'en vient, puis de quelle façon on devrait aborder ça pour vraiment pas manquer le train lorsqu'il va passer, parce que c'est vraiment ça la question, c'est qu'il y a des changements majeurs qui risquent de transformer drastiquement la façon de se déplacer. Et il faut y réfléchir, on n'a pas nécessairement, on sait pas ce qui va arriver dans le futur, mais on veut l'anticiper, on veut au moins y penser, puis peut-être faire des choix de société. Puis au Québec en particulier, on est dans une position exceptionnelle, à savoir qu'on a vraiment accès à une électricité qui est très abordable, en grande quantité, et on importe le pétrole dans l'essentiel. Fait que l'électrification fait du sens. L'électrification seule a ses limites. L'électrification, avec les autres choses qui s'en viennent, deviendrait vraiment très intéressante pour pouvoir passer vers une autre façon de se déplacer. Mais Christian Gagné, professeur, donc je le rappelle, au département de génie électrique à l'Université Laval, merci beaucoup d'avoir mis la table avec nous ce soir. Oui, merci. Merci à vous. Et je rappelle en fait l'événement, le colloque dont on parlait, qui est un peu d'excuse aussi pour vous lancer ce soir ces réflexions-là. Ça s'appelle « Présent et avenir des transports électrifiés, intelligents et interconnectés au Québec ». C'est un colloque d'une journée qui est présenté par l'Institut technologie de l'information et société demain mardi 2 décembre de 8h30 à 17h à l'Université Laval. Si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur l'événement qui est sur inscription, eh bien c'est sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Et de mon côté, évidemment, on se laisse pas là-dessus. Quand ressortira-t-il? Ben, on en fera un petit compte-rendu justement la semaine prochaine. Mais on avait seulement un intervenant et c'était drôlement intéressant de penser et de repenser à cette manière de se déplacer et nos transports. Donc, je pense que demain, il va sortir certainement d'excellentes idées. Alors, Raymond, tu seras là pour nous en reparler peut-être pour la semaine prochaine ou l'autre d'après, tout dépendant de la vitesse à laquelle tu réussis à faire ton résumé parce qu'il ressortira certainement beaucoup d'idées. Et sur le site de l'ITIS, donc, on retrouve aussi les chroniques qu'on fait ensemble ici à CKRL. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.